Un peu de silence, je vous prie. J'ai le plus grand plaisir de vous présenter aujourd'hui celui qui est de loin le plus grand écrivain actuel, M. Ralph Waldo Emerson. Une sotte rigidité est un travers propre aux esprits médiocres. Emerson. Pardon, vous dites. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Vous aimez Emerson? Je l'adore. J'adore les gens qui adorent Emerson. Et j'adore les gens qui adorent les gens qui adorent Emerson. Ne suis pas les sentiers battus, mais trace ta propre route. Ralph Waldo Emerson? Non. Quoi? Comment ça, non? Ben m'avait affirmé que c'était de lui. Tu vois, comme quoi tu auras appris quelque chose ici. America the Beautiful par Ray Charles. Et oui, cette semaine, vous allez voir l'Amérique sous un autre jour, l'Amérique ou les États-Unis. On va voir. Bonjour Thomas Constantinesco. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur de littérature américaine à Sorbonne Université. Vous avez écrit un essai qui s'appelle L'Amérique à l'essai, autour de Ralph Waldo Emerson, évidemment, aux éditions de la rue d'Ulm. Est-ce que vous aussi, vous adorez les gens qui adorent les gens qui adorent Emerson? Si c'est le cas, on va bien s'entendre. Hein. Absolument. C'est un extrait du film de Peter Bogdanovich, On se fait une valise, de 1972. Ce petit medley que vous avez entendu en début d'émission avec des références à Emerson, notamment d'ailleurs un extrait de La Petite Maison dans la Prairie, figurez-vous, dans laquelle Emerson tient un grand rôle. Bah, pour donner un aperçu de la postérité d'Emerson, si ce nom ne vous dit rien, chers auditeurs, sachez qu'en tout cas, il est extrêmement présent dans la culture américaine aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est très présent dans la culture américaine. On trouve aujourd'hui encore dans les librairies des anthologies de ses aphorismes. Et sa fortune est telle qu'on trouve même ici et là sur Internet des aphorismes qui lui sont attribués, mais qu'on trouve nulle part dans ses textes, mais simplement qui sont écrits dans l'esprit d'Emerson. C'est dire combien cet esprit a pu influencer toute une culture américaine, c'est ce qu'on va voir ce matin. Présentons-le déjà, Ralph Waldo Emerson. La postérité a davantage retenu en France, en tout cas, l'un de ses amis élèves, Thoreau, Henry David Thoreau, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, d'Emerson aussi. Mais d'Emerson, on sait beaucoup moins de choses, Thomas Constantinesco. On sait beaucoup moins de choses en France. Alors on peut rappeler, on l'entendait dans les extraits diffusés en début d'émission, qu'il est né en 1803. Pour planter le décor, c'est l'année où le président des États-Unis de l'époque, Thomas Jefferson, achète la Louisiane à Napoléon. Du jour au lendemain, le territoire des États-Unis double de superficie. Et la nation américaine se lance dans ce qu'on va appeler très rapidement la conquête de l'Ouest. Emerson donc naît dans ce moment-là. Il naît à Boston, en Nouvelle-Angleterre, et il va avoir dans les premières années une trajectoire classique dictée par l'héritage familial. Il fait des études de théologie à Harvard, comme son père, son grand-père, avant lui. Et puis, il embrasse une carrière de pasteur, de ministre du culte, qui va le laisser très rapidement, très insatisfait, au point que, à la suite d'une première tragédie, son existence est marquée par plusieurs tragédies personnelles et familiales, mais à la suite du décès de sa première femme, dont il était très très amoureux, il traverse une crise de vocation, et se demande si sa place est véritablement dans l'Église. Et ça va le conduire à claquer la porte, en fait, de l'Église et à s'embarquer comme pour un nouveau départ pour l'Europe. Il quitte les États-Unis le jour de Noël 1832 et puis il va passer plusieurs mois en Europe, en France, en Angleterre. Et en France, notamment à Paris, il a une comme une révélation. Il se rend au Jardin des Plantes et découvre émerveillé l'histoire naturelle. Et il a l'impression d'une il a une véritable révélation et sort de sa visite au musée et écrit dans son journal voilà, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma vocation, je serai naturaliste. Il rentre à Boston et il ne sera pas évidemment naturaliste, mais il va devenir conférencier professionnel. Et surtout, il va écrire un premier essai marquant qui s'appelle La Nature, qui paraît en 1836 et qui porte encore la trace de ce rêve naturaliste, même si c'est au fond un essai plus classiquement philosophique, mais pas du tout un essai de science naturelle, mais on sent chez lui encore l'empreinte de ce rêve-là. Et puis ensuite, il va publier d'autres textes, tous plus importants les uns que les autres, je dirais, et notamment deux séries d'essais en 1841 et 1844, avant de retourner une seconde fois en Europe, en Angleterre et puis en France pour des conférences autour de 1847-48. Et là, il a déjà acquis une grande renommée. Donc quand il arrive, les gens savent, enfin l'ont identifié, viennent l'écouter. Oui, on vient l'écouter, il fait ça le comble, et il retirera de ses voyages, de ce voyage notamment en Angleterre, une série de conférences qui alimentera un autre recueil de textes qu'il publie à son retour, qui s'appelle English Traits, où il réfléchit au fond à ce qu'on a traduit en français par l'âme anglaise, en fait, ce qui fait l'esprit national et qu'il va chercher à opposer à ce qu'il perçoit comme étant l'esprit américain. Voilà, et ça on va y venir effectivement sur cette question de l'esprit américain, de la production, de la culture américaine et du rôle de l'intellectuel en général et l'intellectuel américain dans un instant. Avant cela quand même, essayons de préciser quel type d'écrit nous livre Emerson. Est-il philosophe? Est-il littéraire? Vous l'avez dit, il était aussi religieux. Une citation qui peut donner un aperçu. Alors évidemment, on peut avoir, vous l'avez dit, il y a beaucoup de citations d'Emerson, souvent décontextualisées, des phrases un peu choc qu'on peut tirer dans tous les sens. Je vous la soumets quand même. Il écrit « Je n'appartiens pas à la classe des poètes, mais seulement à un département subalterne de la littérature, les journalistes, ces hommes de la banlieue. » Il se présentait lui-même comme journaliste ? Non, c'est un effet un petit peu déformant de la traduction. « Journals », le journal intime, voilà, c'est ça ? Disons qu'il y a chez lui un rêve de poésie. Il s'est vraiment rêvé poète dans les pas de Milton, de Shakespeare, des romantiques anglais, Wordsworth, Coleridge, et il faut bien reconnaître que malheureusement sa poésie n'est pas à la hauteur de sa prose. Il a écrit et publié des recueils de poèmes qui sont pas inintéressants, mais qui n'atteignent pas, je dirais, la puissance en fait de son écriture en prose. Alors quel type de penseur, d'auteur est-il? Pour moi, il est à la croisée de plusieurs genres. Vous l'avez dit, hein, la théologie, la poésie clairement, la philosophie, et ceci se donne dans une forme qu'il a fini par adopter, qui est la forme de l'essai. Henry James, le grand romancier américain de la fin du 19e siècle, disait de lui qu'Emerson avait passé toute sa carrière et toute sa vie à chercher sa forme. Et j'en suis venu à penser qu'il avait trouvé cette forme, c'était celle de l'essai. Une forme un peu libre qui permet justement de concilier plusieurs traditions d'écriture et plusieurs modes de pensée. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pense en littérature, qui pense par le moyen de la littérature. Ce sont des essais qui sont souvent courts, écrits dans un style souvent, enfin, pas tous les textes, effectivement, on peut pas tous les mettre dans le même sac, mais souvent assez percutants, des phrases que l'on retient et des textes auxquels on peut revenir, et à chaque lecture, on y retient quelque chose de différent. C'est étrange, hein, c'est très court et très dense. C'est très court et très dense. Alors cet effet-là, très curieux, il tient sans doute au mode de composition d'Emerson. On en parlait juste avant le début de l'émission. Emerson a aussi écrit, tenu un journal pendant quasiment toute sa vie, et ce journal est devenu pour lui une espèce de thésaurus dans lequel il piochait en fait des paragraphes sur certains thèmes qu'il mettait ensemble pour composer ses conférences et qu'il retravaillait ensuite quand il s'agissait d'amener ses conférences à publication dans des volumes. Et donc c'est ce côté un peu éclectique qui explique sans doute à la fois le côté percutant, le côté déroutant aussi, et le fait qu'on peut y revenir par différentes voies. Capitaine ? Capitaine ? Caporal ? Comment vous sentez ici? Ça va? Oui, je crois que tout ça est bon pour moi, capitaine. Vraiment? La guerre éduque les sens, développe la volonté, perfectionne la constitution physique, amène les hommes à des rencontres si rapides et si rapprochées dans des moments critiques que l'homme prend la mesure de l'homme. Ouais, je présume que c'est la façon d'Emerson de trouver le bon côté des choses. Vous connaissez Emerson, capitaine ? Je connais un peu, oui. Et oui, une fois qu'on a son nom en tête, on se rend compte qu'il est tout le temps cité dans les films américains. Maintenant, vous le verrez. Là, c'était un extrait du Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Spielberg en 98. Donc vraiment, là, sur le champ de la guerre, il cite Emerson et le capitaine dit oui qu'il le connaît un peu. Un dernier mot sur votre rapport à Emerson, Thomas Constantinesco, avant qu'on entre dans son œuvre. Il est peu connu en France. Vous avez consacré une thèse à Emerson. Vous travaillez sur lui. Vous êtes l'un des seuls aujourd'hui en France? Ah non, je suis pas l'un des seuls. On n'est pas beaucoup. Ça, oui. C'est vrai, parce qu'on n'est pas très nombreux à s'intéresser au 19e siècle américain. Il faut bien le reconnaître, au moins dans sa littérature. Mais on est quand même plusieurs. Et puis Emerson, il faut dire qu'il a, alors il a connu deux itinéraires en France. Un classique dans l'université. Là encore, on en parlait avant le début de l'émission. La première thèse universitaire française consacrée à Emerson, on la doit à Maurice Gonneau, qui a longtemps été professeur à l'université de Lyon et qui le premier consacre une thèse à Emerson qu'il soutient dans les années 1960 et qui sera traduite aux États-Unis, reconnue comme une contribution majeure aux études sur Emerson. Et puis cette tradition-là a perduré dans l'université et au sein des départements d'anglais et de littérature anglaise et américaine jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'autre voie, c'est celle de la philosophie, par le biais notamment du philosophe américain Stanley Cavell et de ses traducteurs et commentateurs exégètes en France autour du travail en particulier de Sandra Laugier. Oui, qui est beaucoup venu en parler à ce micro, justement. Alors, pour juste un aperçu de la semaine, mercredi, on parlera en particulier de l'essai Nature que vous avez évoqué. Jeudi, justement, on découvrira l'influence d'Emerson sur des intellectuels français, notamment Marcel Proust. Vous verrez, c'est passionnant. Ce matin, en votre compagnie, on va essayer de comprendre comment Emerson a lui-même pu devenir celui qu'on a voulu appeler, notamment Stanley Cavell, le premier intellectuel américain. Écoutons un premier extrait, justement, de cette conférence. Vous nous la présenterez ensuite. Découvrez cette langue. Je ne demande pas le grand, le lointain, le romantique. Ce qui se passe en Italie ou en Arabie, ce qu'est l'art grec ou l'art du trouvère provençal. J'embrasse le commun. J'explore le familier, le bas. Et je m'assieds à ses pieds. Donnez-moi un aperçu du jour d'aujourd'hui, et vous pourrez garder les mondes antiques et futurs. De quoi voudrions-nous vraiment connaître le sens? Du repas dans le tonnelet, du lait dans la jatte, de la balade dans la rue, des nouvelles du bateau, du regard de l'œil, de la forme et de la démarche du corps? Montrez-moi la raison ultime de ces choses. Montrez-moi la sublime présence de la plus haute cause spirituelle qui se dissimule, comme toujours elle se dissimule, dans ses banlieues et ses extrémités de la nature. Laissez-moi voir jusque dans la moindre bagatelle la polarité qui la hérisse et la place instantanément sous une loi éternelle. Et les liens qui unissent l'échoppe, la charrue, le livre de contes à la cause qui fait onduler la lumière et chanter les poètes. Et le monde n'est plus une terne macédoine ou un cagibi à meubles, mais prend forme et s'ordonne. Il n'y a plus de bagatelle, il n'y a plus de casse-tête, mais un dessin qui unit et anime le pinacle le plus lointain et la tranchée la plus basse. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Je ne demande pas le grand, le lointain, le romantique, mais j'embrasse le commun, j'explore le familier, le bas, et je m'assieds à ses pieds. C'est le début de ce que le philosophe Stanley Cavell a appelé la pensée de l'ordinaire. Il faut imaginer, pour comprendre ce texte, Thomas Constantinesco, qu'ici Emerson s'adresse à des étudiants, nous sommes le 31 août 1837, et il a en tête de les secouer. Pourquoi ? Il a en tête de les secouer. Il s'adresse à des étudiants à Harvard, devant un club d'étudiants, à la société l'élite de l'élite. Beta Kappa, l'élite de l'élite, et on lui a donné un sujet. L'intellectuel américain, dit en français, alors en anglais, the American scholar, qui est un terme très compliqué à traduire, qui signifie à la fois l'intellectuel, le savant. Mais le grand paradoxe, et c'est ce qu'Emerson développe dans tout ce texte-là, c'est que l'intellectuel américain qu'il appelle de ses voeux et qu'il appelle ses étudiants à devenir, n'est pas un intellectuel plongé dans les livres, dans les bibliothèques. Il a des mots très très durs contre ce qu'il appelle les rats de bibliothèque. Mais au contraire, il leur enjoint d'aller se former et se forger un caractère au contact de la nature, au contact de ce qui est du monde ordinaire, au contact de ce qu'il appelle ici le commun, le familier, le bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, il oppose le grand, le lointain, le romantique au commun, au familier, au bas. Quelques phrases auparavant, juste avant le passage qu'on vient d'entendre, il opposait le beau et le sublime d'un côté, le proche, le modeste et le commun de l'autre, c'est-à-dire au fond des catégories esthétiques que l'on pourrait rapporter à l'Europe, à la vieille Europe d'un côté, le beau, le sublime, le romantique, et de l'autre des catégories esthétiques dont on se dit, dont il nous dit qu'elles sont au fond proprement américaines, le commun, le familier, le bas, le modeste, qu'elles sont devenues telles en tout cas. Elles sont devenues telles, en tout cas c'est ce qu'il appelle de ses vœux. Mais ce qui me paraît fondamental dans ce passage là, dans ce texte là, c'est que cette opposition qu'Emerson pose entre, disons, le romantique et le commun, entre l'Europe et les États-Unis, cette opposition se défait à mesure que le texte avance, qu'on avance dans le texte, puisqu'on comprend qu'il s'agit, au bout du compte, de retrouver le sublime dans l'ordinaire. C'est ce qu'il appelle la sublime présence, la cause spirituelle dissimulée dans les extrémités et les banlieues de la nature. Au fond, c'est moins une opposition qu'Emerson nous propose qu'une sorte de synthèse de catégories esthétiques que sont le sublime et l'ordinaire, et qui permet, au bout du compte, d'ordonner le monde, de lui donner un sens, de lui donner, d'y voir un dessin, d'y reconnaître une forme qui, comme il le dit à la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre, unit et anime le pinacle le plus lointain et la tranchée la plus basse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà, au fond, le projet du romantisme anglais, tel qu'on le trouve notamment défini sous la plume de Wordsworth, environ 35 ans auparavant, en 1802, dans la préface à un recueil de poèmes qu'il a écrit avec Coleridge, Les Ballades lyriques. Et Wordsworth, déjà, affirme que son projet poétique, c'est de retrouver, ou de trouver, de poétiser, au fond, l'ordinaire, pour y retrouver... au bout du compte, un langage philosophique plus authentique que celui des poètes de la tradition qui ont tendance à se donner des objets beaux et sublimes. Et le grand paradoxe de ce texte d'Emerson, l'intellectuel américain, c'est que l'esthétique et la philosophie américaine qui s'y dessinent doit en réalité beaucoup à l'héritage romantique qu'il paraît vouloir rejeter. Oui, c'est ça. C'est que d'un côté, il dit, mais arrêtons de faire comme les Européens, tournons le dos au romantisme, et plutôt que de regarder le ciel grandiose, regardons à nos pieds, pour proposer vraiment une pensée proprement américaine. Et de l'autre, il ne peut pas le faire sans être l'héritier de tout ce romantisme, finalement. Exactement. C'est le grand paradoxe, en fait, alors, du romantisme américain en général, de celui d'Emerson en particulier, et qu'on peut, je crois, concevoir à partir du titre d'une conférence qu'il prononce en 1859 et qui s'appelle « Citation et originalité ». Quotation and originality, et qui sont en fait les deux piliers, les deux versants opposés et néanmoins toujours complémentaires et articulés l'un à l'autre de sa pensée philosophique, qui d'une main rejette la tradition, rejette le passé, rejette l'héritage, rejette toute forme de legs, et de l'autre côté ne peut pas penser autrement qu'en mobilisant les termes, les catégories, les concepts de cette tradition qu'il rejette. Donc en fait, il en appelle à un nouveau départ ? Il en appelle à un nouveau départ et intellectuel, disons. Intellectuel, mais aussi culturel, politique. Dans cette conférence, l'intellectuel américain de 1837, mais déjà un an avant, dans le texte dont vous parlerez plus tard dans la semaine, La Nature, qui s'ouvre quand même sur cette formule frappante, hein, où il dit, et sur le ton de la lamentation, notre époque est tournée vers le passé. Regarde en arrière, rage is retrospective, dit-il. et pour dire ce n'est pas cela que nous devons faire. Alors là quand même, il faut noter deux paradoxes. Le premier, c'est que en 1836, il y a bien une chose que la nation américaine ne fait pas, c'est regarder en arrière, et elle est toute entière. Ouais. Elle vient d'apparaître. Elle est toute entière préoccupée par ce qu'on appelle déjà la conquête de l'Ouest, elle se projette vers l'avant et elle ne regarde pas du tout en arrière, donc lui-même est déjà au fond en décalage avec ses contemporains. Et d'autre part, cette phrase notre époque regarde en arrière, regarde vers le passé, c'est déjà une citation. C'est une citation d'un essayiste anglais, du maître de l'essai anglais, William Hazlitt, dans un texte qui s'appelle « L'esprit du temps », « The Spirit of the Age », et ça, Emerson le sait parfaitement, et il joue de cette réutilisation, de cette citation, qui est en même temps un détournement de la citation pour des fins qui lui sont propres. L'intellectuel est cet homme qui doit absorber toutes les aptitudes de son époque, toutes les contributions du passé, tous les espoirs de l'avenir. Il doit être une université de savoir. S'il est une leçon qui, plus que tout autre, doit pénétrer son oreille, c'est « le monde n'est rien, l'homme est tout ». En toi se trouve la loi de toute nature, et tu ne sais pas encore comment monter une seule gouttelette de sève. En toi sommeille toute la raison. Il t'appartient de tout connaître. Il t'appartient de tout oser. Monsieur le Président, messieurs, cette confiance en la puissance inexplorée de l'homme revient de par tous les motifs, de par toutes les prophéties, de par tous les préparatifs à l'intellectuel américain. Nous avons trop longtemps écouté les muses raffinées de l'Europe. Déjà, on soupçonne le citoyen américain d'avoir l'esprit timide, imitatif, soumis. L'avarice publique et privée épaissit et engraisse l'air que nous respirons. L'intellectuel est poli, indolent, complaisant. Constatez-en déjà la tragique conséquence. L'esprit de notre pays, à qui l'on a enseigné à viser des objectifs médiocres, se ronge lui-même. Voilà, vous avez un aperçu du ton d'Emerson. Je disais qu'il veut secouer ses étudiants. C'est le cas, Thomas Constantinesco. Au moment où il leur parle, il s'adresse donc aux meilleurs élèves de Boston. Il leur dit, mais au fond, il n'y a pas d'intellectuel américain. Il faut donner une culture à ce nouveau pays qu'est le nôtre. Et nous devons devenir, vous devez être ce qu'on va appeler ensuite des intellectuels américains. Et j'ai l'impression que le sens qu'il donne au mot intellectuel est un peu différent de celui que nous lui donnons aujourd'hui. Ah oui, il est à la fois assez différent et en même temps on peut y retrouver des choses qu'on reconnaît ou qu'on connaît. Il s'agit pour Emerson de devenir une figure publique, de prendre sa part dans la constitution, la rénovation, la réforme du corps social qu'il estime, à tort ou à raison, malade et affecté d'une maladie qui est celle, justement, dans l'extrait que vous venez de lire, de l'imitation. Et c'est une injonction, en fait, à l'originalité. Et là encore, tout ceci se noue dans un paradoxe, puisqu'il se pose lui-même en modèle de cette originalité et incite ses auditeurs, ses étudiants, cette élite intellectuelle et studentine de Harvard et de Boston, à l'imiter. Et c'est d'une certaine manière, ce faisant, à le trahir aussi, à ne pas s'inscrire dans ses pas, pour trouver eux-mêmes leur propre voie, leur propre chemin, tracer leur propre route. C'est vraiment un appel à une espèce d'autonomie, et là on peut faire la transition vers un autre texte dont on va parler ce matin, qui s'appelle en anglais « Self-Reliance », traduit en français par « La confiance en soi », une nouvelle traduction d'ailleurs vient de paraître, c'est « Compter sur soi », c'est difficile de trouver la bonne traduction, mais l'idée, alors là encore c'est un texte très court, très vif, dont on se souvient longtemps une fois qu'on l'a lu et auquel on retourne souvent, enfin en tout cas c'est mon cas et je crois que c'est le cas de tous ceux qui connaissent ce texte-là, qui en appelle à une sorte d'autonomie du « moi ». Oui, absolument. Alors c'est un essai qui paraît quelques années après la conférence sur l'intellectuel américain en 1841. Self-reliance, vous l'avez dit, c'est un mot très compliqué à traduire. Qu'on traduit alors soit par confiance en soi, soit par autonomie. Au fond, self-reliance, c'est l'idée que on ne peut compter en effet que sur soi-même. On doit s'appuyer, se fonder sur soi-même pour exister, pour vivre pleinement, et que la seule vie qui vaille la peine d'être vécue, c'est une vie dans laquelle on aura fait d'abord et avant tout appel à soi-même, à sa propre intuition, dit Emerson dans ce texte-là, qui est un mot qu'il oppose à un autre mot en anglais, tuition, et le jeu de mots fonctionne en anglais, il fonctionne malheureusement pas en français, mais c'est une opposition qui signifie la tension, l'écart entre l'individu d'un côté et la société, ses règles, ses édits, sa pédagogie aussi, ses injonctions, ce qu'elle nous enjoint de faire et dont et ce à quoi il nous faut résister, dit Emerson. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anticonformisme, et c'est en tout cas que, en ces termes, que le philosophe Stanley Cavell parle d'Emerson. Écoutez-le. When Emerson introduces this term, quand Emerson introduit cette notion that there's a colloquial sense of de la confiance ou de l'autonomie, an ordinary picture of Emerson, the individual on a cette image d'Emerson ou d'un homme, en général un homme, you need nothing une personne else indépendante from, qui n'a besoin anyone, de rien ni de personne. What Emerson says is, et ce que Emerson dit, c'est que is the aversion cette confiance of conformity. Et l'évitement, l'aversion du conformisme. This is an agony. Pour lui, c'est quelque chose de très douloureux. C'est une véritable tâche. C'est la philosophie, c'est un objectif, un but, le but d'une vie. S'il s'agissait simplement d'être indépendant, on pourrait chacun partir de notre côté, choisir nos amours, nos lectures, etc. Mais une aversion, la confiance en soi, c'est l'aversion du conformisme. Cela signifie que dans tous les cas, à chaque moment, il y a cette quête, cette recherche de l'autonomie, de cette indépendance, c'est-à-dire qu'il faut tourner le dos from conformity in yourself. Au conformisme à l'intérieur de soi-même. Maintenant, la pierre sans la force. Oh, le vaisseau. Nous ne pourrons plus le récupérer. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. N'écoutes-tu pas ce que je dis? Maître, faire bouger des pierres, c'est une chose, mais ça, c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. J'y arriverai pas. La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas, car mon allié est la force. Et c'est de mes alliés la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir. Son énergie nous entoure et nous relie. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir ma force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. C'est assez troublant, non, Thomas Constantinesco, les similitudes entre Maître Yoda et Ralph Waldo Emerson. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris, dit-il à son élève Luke Skywalker. Emerson dirait exactement la même chose à ses étudiants. Hein. Absolument, absolument. C'est sans doute... J'y vois là le romantisme de Yoda et de la guerre des étoiles, mais c'est tout à fait exact. Au fond, on a là une traduction populaire, vernaculaire de la philosophie d'Emerson, qui pose deux choses, deux principes, me semble-t-il. Le premier, c'est la puissance individuelle qui doit suffire, qui peut suffire. Et puis l'autre, c'est que cette puissance individuelle, au fond, elle s'articule à une force, une énergie qui traverse à la fois l'individu et le monde et qui les relie l'un à l'autre. Et c'est ça chez Emerson également, en particulier dans ce texte-là, Self-Reliance, la confiance en soi, compter sur soi-même, que l'on trouve ce que j'appellerais cette réversibilité de l'intime dans l'universel, ou du privé dans le public. C'est-à-dire que la force que je découvre en moi-même quand je me regarde, quand je regarde en moi-même, je découvre qu'en même temps, c'est une force qui anime l'ensemble du monde et qui me relie à lui. Mmh. Et ce faisant, on a là une manière de résoudre aussi une des contradictions, une des apories qui pourrait apparaître, qui est la question de comment faire société, en fait, à partir d'un texte comme La confiance en soi et Self-Reliance. C'est-à-dire que si on pose que on doit désapprendre ce qu'on a appris, ne compter que sur soi-même, être parfaitement autonome, on peut se demander comment, au fond, vivre avec d'autres, sinon sous la forme d'individus isolés et atomisés, séparés les uns des autres. Et la réponse qu'Emerson apporte, c'est celle-là. C'est l'idée qu'il faut reconnaître que nous sommes tous traversés par une énergie universelle, lui dirait divine, spirituelle en tout cas. Yoda le présentera dans d'autres termes, ce sera la fameuse force de Star Wars, mais au fond l'idée est la même, et c'est ça qui nous permet de tenir ensemble. C'est-à-dire que dans ce texte, la confiance en soi, il y a une espèce d'appel adressé à chaque individu à trouver sa propre voie. C'est un texte qui est extrêmement encourageant pour un lecteur qui n'oserait pas écrire, par exemple. Il dit, mais tout ce que vous n'écrivez pas, eh bien, sachez que ça sera écrit par d'autres dans quelque temps. Donc, écrivez-le vous-même. D'écrire à la première personne, assumez votre jeu. Vous ne pouvez pas parler au nom du nous. C'est très arrogant de dire nous alors que vous voulez dire je. Donc, il y a une humilité, une évidence du jeu qui doit s'exprimer. Il y a une manière de prendre en compte ce qui nous constitue dans notre singularité pour en faire quelque chose qui est disons très revigorant pour un lecteur français qui ne serait pas dans cet état d'esprit-là. Ensuite, il y a des limites évidemment à cette position-là, puisque vous l'avez dit, politiquement, c'est difficile de voir ce qui est concevable, si c'était un appel à l'autonomie de chacun. Et il y a cette revendication de l'anticonformisme qui en fait une espèce de rebelle très attirant et dont on se demande si finalement ça peut correspondre à un projet de vie. Est-ce que c'est une étape de vie? Est-ce que il appelle à être l'éternel adolescent? C'est ce qu'il dit dans le texte. Ou est-ce que finalement on peut être ce que Emerson voudrait que nous soyons toute notre vie? C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Alors là, je crois qu'on en revient aussi à un autre mot, un cardinal, un mot clé pour lui, qui est la notion d'essai, de tentative. On essaye. L'effort, ouais. C'est ce vers quoi il faut tendre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des difficultés réelles dans cette pensée, dans cette philosophie, qui sont souvent résolues par Emerson, ou qu'il tente de résoudre au moyen de ce que j'appelle des renversements quasi coperniciens, en fait, ou des inversions qui sont en même temps un petit peu des coups de force, des forçages philosophiques. C'est-à-dire que considérer que l'intime est au fond synonyme de l'universel, ça demande une adhésion quand même très très grande. On n'est pas obligé, on peut résister justement. Et je crois que ce faisant, on est au fond assez emersonien dans sa lecture, même quand on résiste, puisqu'au fond, chez lui, c'est une valeur clé, cette notion de résistance. Il faut résister, il faut refuser de se conformer. Au fond, une manière d'être un bon lecteur d'Emerson, c'est aussi en résistant à ce qui chez lui justement fait problème et résiste. Mmh. On va entendre un extrait justement de la confiance en soi, un extrait dans lequel il explique pourquoi, selon lui, nous sommes des soldats de salon au lendemain des élections présidentielles françaises. Ce texte a un écho particulier. Notre époque ne produit pas d'êtres grands et parfaits. Il nous faut des hommes et des femmes qui rénoveront la vie et l'état de la société, mais nous voyons que la plupart des gens sont de nature insolvable, ne pouvant satisfaire leurs propres besoins, qu'ils ont une ambition hors de proportion avec leurs forces réelles et ne cessent de s'incliner et de quémander nuit et jour. Nos affaires domestiques sont conduites de façon misérable. Nos beaux-arts, nos activités, nos mariages, notre religion, nous ne les avons pas choisis. C'est la société qui les a choisis pour nous. Nous sommes des soldats de salon. Nous esquivons l'âpre bataille du destin là où naît la force. Si nos jeunes gens échouent dans leurs premières entreprises, ils perdent tout courage. Si le jeune marchand échoue, on dit qu'il est ruiné. Si un esprit des plus fins étudie à l'une de nos universités et dans l'année qui suit n'occupe pas une fonction à Boston, New York ou tout près de ces villes, il lui semble, ainsi qu'à ses amis, qu'il a tout à fait raison de se sentir découragé et de se plaindre le reste de son existence. Un vigoureux garçon du New Hampshire ou du Vermont, qui tour à tour tâte de tous les métiers, qui fait équipe, travaille dans une ferme, colporte, tient une école, prêche, édite un journal, se fait élire au congrès et gagne une municipalité, et ainsi de suite au fil des ans. Et tel un chat retombe toujours sur ses pattes, vaut 100 fois un de ces pantins des villes. Il marche de front et n'éprouve aucune honte à ne pas faire d'études pour embrasser une profession libérale, car il ne diffère pas le moment de vivre. Il vit déjà. Il n'a pas une chance, mais des centaines de chances. C'est rare de voir dans un même texte, ici lu par Armand Éloy, cet appel à une, on l'a dit, enfin, dans l'intellectuel américain, à la formation d'un esprit qui serait proprement américain, y compris intellectuel américain, et de l'autre, un tel appel à l'action. Chez lui, les deux ne sont pas opposés, et au contraire d'ailleurs, une vie ne vaut d'être vécue que si elle est véritablement vécue, et qu'on passe pas son temps ni à lire des livres, ni à critiquer, ni à se plaindre de cette société qui vraiment nous impose trop, alors qu'on ne fait rien pour s'en sortir finalement. Oui, absolument, c'est une philosophie de l'action, vous avez parfaitement raison, et de ce point de vue-là, cette philosophie, elle va trouver un écho un peu plus tard au 19e siècle chez quelqu'un comme William James, par exemple, le frère du romancier dont je parlais tout à l'heure, Henry James, est grande figure de ce qu'on a appelé le pragmatisme, qui est là aussi une philosophie de l'action. Et chez Emerson, le mot « action » revient sempiternellement sous sa plume, de même qu'un autre mot qui traverse aussi bien l'essai « self-reliance » que la conférence sur l'intellectuel américain, qui est le mot de « travail ». Work, c'est cette notion d'effort, de contribution au fond, d'engagement, à on dirait aujourd'hui, faire une différence. On a là clairement une injonction à s'engager, à la fois à refuser, c'est ce qu'on disait dans ce qui est dit dans le texte qu'on vient de lire, ce que la société a choisi pour nous, et en même temps à s'engager pour rénover, pour réformer cette société, au lieu effectivement de se plaindre que les choses ne bougent pas. Mais est-ce comment le lire aujourd'hui? Est-ce que c'est un appel? Vous dites travail. Est-ce que c'est la valeur travail? Il faut travailler plus. Comment faut-il l'entendre? C'est la grande plasticité de la philosophie d'Emerson. On peut l'entendre de manière très très différente, et il est parfaitement possible d'y lire un éloge de la valeur travail qu'on pourrait articuler à une philosophie libérale, voire à un libéralisme économique, et qui pourrait prêter le flanc à la critique parfaitement. Et puis on peut aussi y voir peut-être plus simplement une manière de penser la vie, de penser l'existence comme une manière, et encore une fois une manière de vivre placée sous le signe de l'engagement. Et dans les exemples qu'il donne là dans ce passage qu'on vient d'entendre, il y a tout un tas une myriade au fond de possibilités d'engagement diverses, et où finalement chacun va trouver à se réaliser. Parce que en appeler à la valeur travail et en même temps prôner un tel anticonformisme, c'est pas très lisible pour nous aujourd'hui. Non, c'est la grande difficulté d'Emerson. Il faut reconnaître que il n'est pas très lisible, ou en tout cas il est difficile à lire. Enfin, je voudrais pas dire qu'il est pas très. On a du mal à le mettre dans des cases, dans nos cases contemporaines. Mais ces contemporains eux-mêmes avaient déjà du mal à le mettre dans leur case à eux. Cette difficulté-là, elle résonne encore aujourd'hui, et qui fait que Emerson fait l'objet de lectures contradictoires, parce que sa pensée est une pensée qui ne refuse pas la contradiction, mais qui l'affronte, y compris dans ses apories, et qui au fond demande à ses lecteurs de choisir leur camp selon leurs affinités, selon ce qui résonne davantage. Vous disiez que ce sont des textes auxquels on revient, oui, encore et toujours, et selon sa disposition, son humeur, dirait Emerson, hein, mood est un mot qui revient aussi très souvent chez lui, on va y lire, y reconnaître des choses différentes, parce qu'on sera aussi à une étape de notre existence très différente. C'est vraiment l'auteur antidogmatique par excellence. Antidogmatique par excellence, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui refuse le dogme, qui refuse les opinions préconçues, qui refuse le prêt-à-penser et qui nous dit non, faites l'effort de penser par vous-même et d'essayer d'en tirer une philosophie de vie. N'oublions pas que c'est donc lui qui a rencontré Henry David Thoreau, qui sera l'auteur de La désobéissance civile. C'est lui qui en appelle à résister à titre individuel que lorsqu'une société et une politique menée sont jugées injustes. Est-ce que ce faisant, Thoreau est fidèle à l'héritage d'Emerson ? Sans doute, sans doute. Alors il faut rappeler que Thoreau écrit ce texte sur la désobéissance civile dans un contexte historique très particulier, hein, qui est celui de la guerre que les États-Unis mènent contre le Mexique, sur fond de crise croissante liée à la question de l'esclavage qui court dans tout le 19e siècle américain jusqu'à la guerre de sécession et même au fond après, et qui est aussi au fond un choix de société. Et Thoreau, qui s'oppose à cette guerre, va refuser, à titre de protestation, comme acte de résistance, de refuser de payer ses impôts, et il sera condamné à passer une nuit en prison. Et l'anecdote rapporte que c'est Emerson qui, anecdote apocryphe, mais que c'est Emerson qui serait venu le sortir de prison et lui aurait demandé « Mais Henry, que fais-tu là ?» Et Thoreau lui aurait répondu « Mais la question n'est pas là, la question c'est toi, Ralph, pourquoi n'es-tu pas à ma place ?» Voilà. Et il y a bien sûr une très forte une lecture de la part de Thoreau de la philosophie d'Emerson, qui y a trouvé bien sûr une manière de s'orienter dans l'existence. C'est ça. Parce qu'un autre extrait de La confiance en soi peut donner aussi une autre lecture possible du texte d'Emerson. Il écrit ceci. « Ne me parlez pas, comme le fit aujourd'hui un brave homme, de l'obligation que j'ai d'améliorer le sort de tous les pauvres. » Sont-ils mes pauvres ? Je te le dis, philanthrope stupide, le dollar ou les quelques cents que je donne à ceux qui ne sont pas de mon côté et du côté desquels je ne suis point, c'est à contre-cœur que je le fais. Il y a un groupe de gens à qui, en raison d'affinités spirituelles, j'appartiens totalement. Pour eux, j'irai, s'il le fallait, en prison. Mais vos diverses œuvres charitables, l'enseignement universitaire dispensé à des imbéciles, la construction de salles de réunion aux fins si vaines défendues par plus d'un de nos jours, les aumônes destinées à des sots et les sociétés de secours aux mille et un aspects, bien que je confesse non sans honte que je succombe parfois et verse ma dîme, il ne s'agit que d'un argent coupable que peu à peu j'aurai le courage viril de ne plus donner. Quel texte, ma Constantinesco ? Ce ne sont pas mes pauvres, dit-il. Ce ne sont pas mes pauvres, et c'est compliqué à entendre. Alors, il faut... Je ne veux pas chercher à sauver le soldat Emerson à tout prix, mais il faut reconnaître ici qu'il y a une charge très très virulente contre ce qu'il perçoit comme étant de la fausse charité qui s'exprime sous couvert de philanthropie et qui peut conduire à privilégier des causes lointaines, distantes, et au fond, c'est une manière pour lui de dire « ne nous achetons pas une conscience morale et sociale à peu de frais, mais là encore, préoccupons-nous aussi de ceux qui souffrent à côté de nous et que parfois nous ne voyons pas ». Il y a là une manière aussi d'opposer deux types de charité, une philanthropie lointaine, presque macroscopique, mais qui a pour effet parfois une forme de myopie devant la souffrance quotidienne qui nous entoure. Oui, on retrouve le décalage entre le lointain, l'Europe, et le proche, le commun, ce qu'il y a devant nos yeux et ce qui devrait être le fondement d'une nouvelle culture américaine. Absolument, absolument. Et c'est là une manière aussi de repenser une notion clé de toute cette époque aux États-Unis comme en Europe, qui est la question de la sympathie, comme ce qui fonde la capacité à souffrir à la place des autres, ou en tout cas à reconnaître la souffrance des autres comme étant digne de reconnaissance, non, d'une part, et comme devant générer des actions précise pour la soulager. Et l'un des grands paradoxes là aussi d'Emerson, c'est que c'est une philosophie qui, d'une main, rejette le sentiment, rejette le sentimentalisme, rejette la haine, la compassion qui nous serait dictée sous l'effet de la pression sociale. Mais de l'autre côté, il s'agit aussi de retrouver un sentiment peut-être plus authentique de sympathie qui, lui, va être de nature à refonder une société plus juste et plus authentique. C'est ça, ce texte que j'ai lu, « Sont-ils mes pauvres ?» a une connotation de provocation assumée qui vise à piquer comme une aiguille vient piquer la peau pour réveiller justement celui qui lit cette phrase, enfin ce paragraphe, et se dit « mais... oh là là, comment ose-t-il ? Personne ne dit du mal des pauvres, c'est pas quelque chose qui est autorisé. Il le fait à dessein, justement pour dire, mais vous réfléchissez à ce que vous faites. Est-ce que l'argent que vous donnez à des œuvres caritatives, est-ce qu'il n'y aura pas une meilleure façon de l'utiliser et surtout plus concrète ? Est-ce que c'est pas votre bonne conscience que vous achetez ce faisant ? Pour essayer de comprendre cette attitude-là, peut-être que c'est de Montaigne qu'il faudrait le rapprocher. Hein. Emerson est un grand lecteur de Montaigne et Montaigne a aussi cette manière d'écrire. Il emploie la métaphore des épines et des aiguilles pour essayer de secouer le lecteur un peu trop indolent. Oui, bien sûr. Emerson a une profonde admiration pour Montaigne, pour qui les essais de Montaigne sont une lecture de chevet. Essais d'ailleurs, on retrouve. Bien sûr, il écrira d'ailleurs, et je pense que vous en parlerez peut-être dans le reste des émissions de la semaine, un essai sur Montaigne. Et pour lui, la philosophie de Montaigne, c'est un modèle, de pensée vivante, de pensée, comme vous le dites, qui pique, qui interpelle, qui provoque. Et il faut aussi rappeler que, en contrepoint de ce texte que vous venez de lire, « Sont-ils mes pauvres ?» et de cette charge contre les sociétés philanthropiques, il y a un engagement très, très réel, très grand d'Emerson, contre l'esclavagisme et en faveur de la cause abolitionniste, jusqu'au début de la guerre de sécession. Il va prononcer des conférences nombreuses, fréquentes, sur ce sujet, pour montrer que c'est aussi sa manière à lui de s'engager, refuser de donner de l'argent d'un côté, mais monter sur l'estrade de l'autre pour porter cette parole qu'il croit juste, qui est la parole anti-esclavagiste. Alors justement, effectivement, cette semaine, on va évoquer hein, la dimension, le lien entre Emerson et Montaigne, la dimension sceptique, on en parlera beaucoup demain, on évoquera le texte Nature, donc mercredi, et cette spiritualité dont vous parliez. Mais encore un mot quand même sur cette figure d'Emerson et cet appel à une confiance en soi. Dans quelle mesure est-ce que cette confiance en soi peut être ressaisie de manière, disons... psychologique, parce qu'aujourd'hui cette expression est employée davantage du côté du développement personnel. On veut rabaisser cette formule-là parce qu'on se dit d'accord, c'est juste une manière de dire qu'il faut s'autoriser à agir. On l'a entendu mille fois. Sauver Emerson à cet égard, Thomas Constantinesco, en quoi n'est-il pas réductible à un manuel de développement personnel ? Alors, il n'est pas réductible à un manuel de développement personnel pour la bonne et simple raison que dans un passage qu'on n'a pas encore évoqué de ce texte sur la confiance en soi, il se pose la question de savoir ce que on va pouvoir découvrir si on se tourne en soi-même et si on regarde à l'intérieur de soi. Et ce qu'il espère trouver, c'est ce que les tenants du développement personnel appelleraient sans doute une assise, un moi qui ne changerait pas, qui serait un fondement stable sur lequel on pourrait justement s'appuyer, sur lequel on pourrait toujours compter. Et le problème, dit Emerson, c'est que rien ne me garantit que je vais trouver ce fondement stable. Et peut-être que si je regarde bien, ce que je vais trouver, c'est ce qu'il appelle le caprice, whim. C'est-à-dire le changement perpétuel, une forme de passion, voire de déraison, et la possibilité donc de trouver en mon propre fond l'absence de fond, ce qui ouvre un abîme terrible dans lequel je risque peut-être de sombrer. Et donc cette confiance en soi, cet appel à la confiance en soi ne va pas sans risque. Et c'est aussi ce à quoi Emerson nous enjoint de prêter attention. C'est que il n'est pas certain que je trouverai en moi-même le fondement stable que j'espère dénicher. Oui, parce qu'Emerson, vous l'avez rapidement dit, est quelqu'un qui a une conscience aiguë du tragique. Il a perdu sa femme, il va perdre son jeune enfant. Et cette lucidité à l'égard de la tragédie que peut aussi être l'existence est quelque chose que l'on retrouve dans toute son œuvre. Absolument. On a longtemps fait d'Emerson quelqu'un qui ne savait pas penser le mal ou le tragique. Et on doit ça dès ses premiers textes, en fait, hein, dès ses premiers lecteurs. Quelqu'un comme Herman Melville, par exemple, auteur de Moby Dick, voit dans Emerson un apôtre de l'optimisme. Quelqu'un pour qui le mal n'existe pas, le tragique n'a pas le droit de citer. C'est pas tout à fait exact, c'est même au fond assez faux. Il est l'auteur d'une conférence qui s'intitule Le Tragique, dans laquelle il rappelle que, citant Milton, la maison de la douleur constitue la moitié de l'univers. Alors certes, la maison du bonheur constitue l'autre moitié, mais malgré tout, on ne peut pas oublier cette présence du tragique. Et il a lui-même connu des tragédies nombreuses. Il perd son père, il perdra plusieurs membres de sa famille, sa première femme, son fils à l'âge de 5 ans, qui le conduira à écrire cet essai sur la question du deuil et sa difficulté, qui est l'essai Expérience, dans lequel... Vraiment magnifique. Qui est vraiment un texte magnifique. Et dans lequel il dit justement ceci, c'est un peu le miroir inversé de l'essai sur la confiance en soi, où l'affirmation ou l'espoir de trouver en soi-même un fondement stable révèle au contraire le vide, vide dans lequel on s'abîme. Et je crois que là, il y a deux faces d'Emerson qui sont quand même toujours présentes en même temps. Et c'est au lecteur qu'il revient ensuite d'aller d'un côté ou de l'autre, là encore une fois, en fonction de son humeur, de ses prédilections, de son goût également. Avec toujours cette petite pique insolente, parce que même lorsqu'il décrit le chagrin infini qui le saisit à la mort de son fils, il dit « mais le pire, c'est que je sais que je vais survivre à ça et que même ce chagrin va s'effacer, c'est ça que je ne peux pas accepter », alors que c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre lorsqu'on lit un texte sur le deuil. Ah non, c'est un texte d'une grande violence à tous égards, en fait. Il en vient à dire « je ne parviens pas à faire le deuil du deuil parce qu'au fond, cette expérience qui pour tout un chacun et l'expérience de la perte absolue, est une expérience qui, dit-il, ne le touche pas. » Et en fait, il faut y voir, me semble-t-il, une forme d'antiphrase. C'est parce que, justement, elle l'a complètement anéanti, qu'elle lui donne l'impression de ne pas le toucher. Et on en reviendra demain sur ce texte qui est magnifique et qui mérite de longues, plus que quelques minutes en tout cas. Merci infiniment Thomas Constantinesco d'être venu ce matin ouvrir cette série sur Emerson. Votre livre s'appelle Ralph Waldo Emerson, L'Amérique à l'essai. Vous parlez de la maison du douleur et de la maison du bonheur. On va se quitter comme on a commencé avec la petite maison dans la prairie. Écoutez, il y a un lien direct là aussi. Emerson a été l'un des premiers intellectuels à apprécier à sa juste valeur l'œuvre de Whitman. En fait, c'est le seul à l'avoir vraiment étudié quand elle a été éditée. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a attiré l'attention du public sur Whitman. Et nous devons lui en être reconnaissants. Bon, alors, pour le prochain cours, je vous demande de commencer le roman de Twain, Huckleberry Finn. Et de lire des romans d'Emerson, surtout. Il vaudrait mieux que vous vous familiarisiez un peu avec ce qu'il a publié avant qu'il arrive. C'est tout, merci. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le philosophe Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Comment justifie-t-on les obligations ? il y a parfois des sentiments et aussi des expressions de certains actes que nous vivons comme obligatoires, comme des devoirs, peut-on dire aussi. On dit par exemple que je dois aider autrui ou en tout cas que je dois venir à son secours s'il est en danger. Et ça s'appelle dans le droit français l'obligation ou le devoir d'assistance à personne en danger, de telle sorte que, formulé négativement par exemple, on parle de la faute, de la non-assistance à personne en danger. C'est une des expressions des devoirs très concrets dans la loi française et il y en a beaucoup d'autres. Mais comment peut-on justifier cette obligation? Qu'est-ce qui me force à faire cet acte si, par exemple, ça m'amène à me mettre moi-même en danger ou si c'est quelqu'un que je n'aime pas, un être humain qui aurait fait des fautes et que je n'ai pas du tout envie de secourir alors qu'il est tombé dans l'eau sur un pont et que moi je peux sauter pour lui sauver la vie. Qu'est-ce qu'une obligation? Comment peut-on la justifier? Dans une obligation, il y a toujours deux choses à justifier en réalité, et c'est ce qui a divisé la philosophie dans toute son histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nous. Il y a d'abord le contenu de l'obligation. Bien sûr, il y a quelque chose dans la vie elle-même qui, d'une certaine façon, est opposé à la mort et qui nous amène d'abord à celui qui est tombé dans l'eau et qui doit résister à la mort en principe, et puis nous qui passons devant, eh bien nous nous sentons quand même tenté, impulsé, poussé par un sentiment qui nous oblige d'une certaine façon à venir à son secours. Mais ces contenus de l'obligation ne suffisent jamais à justifier la forme de l'obligation. La forme de l'obligation, c'est quand en effet un sentiment, un désir, un besoin, quelque chose d'utile qui vient à nous se formule de manière universelle, commun, devoir pour tous les humains et dans un énoncé ou dans un texte qui a force de loi. C'est un devoir de porter assistance à personne en danger. On passe du désir ou du besoin au devoir quand on passe du particulier à l'universel et tous les philosophes ont réfléchi non seulement au contenu de ce qui est utile et qui peut être obligatoire, mais surtout à la forme. Qu'est-ce qui justifie l'universel absolu du devoir? Un philosophe sceptique, critique, comme David Hume, a toujours défini l'obligation comme relative. Il y a des besoins, des actes plus utiles que d'autres. Et par exemple, je ne devrais pas sauter si je mets en danger ma propre vie ou la vie de quelqu'un d'autre. Je peux peser. Et c'est l'utilitarisme. Mais inversement, un philosophe comme Emmanuel Kant a pensé au contraire la présence de l'universel comme le critère de la vraie obligation. Ce qui fait que l'acte n'est pas motivé par une raison relative, mais par un principe universel qui est fondée sur notre propre raison et qui fait que nous ne sommes pas seulement des vivants relatifs, mais des êtres pensants, capables de s'affranchir des pour et des contre du relatif, mais de passer à un principe universel. C'est l'impératif catégorique. Comment justifier une obligation, le passage d'un principe de fait à une obligation de droit, si ce n'est par cette raison? Il y a eu d'autres motivations invoquées par la philosophie, par exemple l'obligation sociale chez les sociologues comme Durkheim ou bien l'obligation vitale. Mais de toute façon, il faut une obligation et c'est un devoir de porter assistance aux personnes en danger. C'est quelque chose sans quoi le maintien universel des vivants n'est pas possible. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci avec l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Thaïs Éloi Hammer, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. À la lecture des textes, Armand Éloi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Ralph Waldo Emerson pour un nouveau départ. Demain, nous serons en compagnie de Joseph Urbas. Et on parlera notamment du scepticisme, de ce texte expérience que nous avons abordé en fin d'émission avec vous, Thomas Constantinesco. Je pleure de savoir que les pleurs ne m'apprennent rien. Pour vous donner un avant-goût de cette émission, on parlera de philosophie, de l'ontologie d'Emerson. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en la podcastant, en la téléchargeant et nous retrouver sur les réseaux sociaux. On adore lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.